Section 8, chapitre 68 à 70. Chapitre 68, différence générale entre notre siècle et celui où s'opéra la révolution républicaine de la Grèce. Après avoir examiné les rapports qui se trouvent entre la révolution républicaine de la Grèce et celle de la France, on ne peut, sans partialité, s'empêcher de considérer aussi leurs différences. Nous ne cherchons point à surprendre la foi de nos lecteurs et à diriger leur opinion. Notre désir est d'éloigner de cet ouvrage tout esprit de système en exposant avec candeur la vérité. Non que nous croyions qu'en cas que nous eussions le bonheur d'en approcher, elle nous valût autre chose que la haine des partis, mais il n'y a qu'une règle certaine de conduite, faire autant qu'il est en nous du bien aux hommes et mépriser leurs clameurs. Il en est des corps politiques comme des corps célestes. Ils agissent, réagissent les uns sur les autres en raison de leur distance et de leur gravité. Si le moindre accident venait à déranger le plus petit des satellites, l'harmonie se romprait en même temps partout. Les corps se précipiteraient les uns sur les autres, un chaos remplacerait un univers, jusqu'au moment où toutes ces masses, après 1000 chocs et 1000 destructions, recommenceraient à décrire des courbes régulières dans un nouveau système. En Grèce, une petite ville exile un tyran, et la commotion se fait sentir aussitôt aux extrémités de l'Europe et de l'Asie. 1000 peuples brisent leurs fers ou tombent dans l'esclavage, le trône de Cyrus est ébranlé, et le germe de tous les événements, de tous les troubles futurs se déploie. Chaque révolution est à la fois la conséquence et le principe d'une autre, en sorte qu'il serait vrai à la rigueur de dire que la première révolution du globe a produit de nos jours celle de France. Veut-on se convaincre de cette fatalité qui règle tout, qui se trouve en raison dernière de tout, et qui fait que si vous retranchiez un pied à l'insecte qui rampe dans la poussière, vous renverseriez des mondes? Supposez, pour un moment, que l'événement le plus frivole se fût passé autrement à Athènes qu'il n'est réellement arrivé, qu'il y eût existé un homme de moins, ou que cet homme n'eût pas occupé la même place, par exemple, Épicide l'emportant sur Thémistocle. Xérès réduisait la Grèce en servitude. C'en était fait des Socrates, des Platons, des Aristotes. Le rusé Philippe vieillissait sous le fouet de son maître, Alexandre mourait sur le Coturne, ou Brigand sur la croix tyrienne. D'autres chances se développaient, d'autres États se levaient sur la scène, les Romains rencontraient d'autres obstacles à combattre, l'univers était changé. Lorsqu'on vient à jeter les yeux sur l'état des hommes lors de l'établissement des gouvernements populaires à Sparte et à Athènes, et sur la position des peuples à l'instant de l'abolition de la royauté en France, on est d'abord frappé d'une différence considérable. Au moment de la révolution de la Grèce, tout ou presque tout se trouvait république, tout ou presque tout monarchie, à l'époque de la Révolution française. Dans le premier cas, c'était des gouvernements populaires qui devaient agir sur des gouvernements populaires. Dans le second, une constitution républicaine heurtait des constitutions royales. Or, plus les corps en collision sont de matière hétérogène, plus l'inflammation est rapide. Il faut donc s'attendre que l'effet des mouvements actuels de la France surpasse infiniment celui des troubles de la Grèce. N'avançons rien sans preuve. Où la plus grande secousse se fit-elle sentir à l'époque des troubles de ce dernier pays? En Perse. Pourquoi? Parce que ce fut là que les principes politiques se choquèrent avec le plus de violence. Mais ceci nous découvre une seconde disparité. Le cerf persan devint la proie du citoyen de la Grèce. Comment les républiques anciennes subsistaient-elles? Par des esclaves. Comment nos pères barbares vivaient-ils si libres? Par des esclaves. Il est même impossible de comprendre sur quel principe une vraie démocratie pourrait s'établir sans esclaves. Ainsi, nos systèmes modernes excluent de fait toute république parmi nous. Je m'étonne que les Français, imitateurs des anciens, n'aient pas réduit les peuples conquis en servitude. C'est le seul moyen de retrouver ce qu'on appelle la liberté civile. Voilà donc deux différences fondamentales dans les siècles, l'une de gouvernement, l'autre de mœurs. N'y a-t-il point, dans le concours fortuit des choses, des circonstances qui déterminent, éloignent, hâtent ou ralentissent l'effet de tel ou tel événement? C'est ce qu'il faut maintenant examiner. La plupart des États contemporains des Athéniens et des Spartiates étaient éloignés de ces peuples célèbres. par quel canal les lumières de ce petit coin du monde se seraient-elles répandues sur le globe? Les Grecs même se souciaient-ils de les communiquer, ces lumières? Les anciens, attachés à la patrie, vivant et mourant sur le sol qu'ils savaient cultiver et défendre avec des mains libres, entretenaient à peine quelques liaisons les uns avec les autres. Parlant divers dialectes, sans le secours des postes, des grands chemins, de l'imprimerie, les nations vivaient comme isolées. De là, une découverte en morale, en politique ou en toute autre science périssait au lieu qu'il avait vu naître ou devenait la proie d'un petit nombre d'hommes qui n'avaient souvent que trop d'intérêt à la cacher au reste de la foule. Les peuples, d'ailleurs, par leurs préjugés nationaux et par amour de la patrie, renfermaient soigneusement dans leur sein leurs connaissances et leur bonheur. Je doute que cette fraternité universelle des républicains du jour soit du bon coin de la grande antiquité. Ici, la dissemblance des temps se fait sentir dans toute sa force. Nos courriers, nos voies publiques, notre imprimerie ont rendu presque tous les Européens citoyens du même pays. Une idée nouvelle, une découverte intéressante a-t-elle pris naissance à Londres, à Paris? Quelques semaines après, elle parvient aux paysans du Danube, à l'habitant de Rome, au sujet de Pétersbourg, à l'esclave de Constantinople, qui se l'approprient, la commentent et en font leur profit en bien ou en mal. Les anciens visitaient rarement les contrées étrangères parce que les difficultés du déplacement étaient presque insurmontables. De nos jours, un voyage en Russie, en Allemagne, en Italie, en France, en Angleterre, que dis-je, autour du globe, n'est qu'une affaire de quelques semaines, de quelques mois, de quelques années calculées à une minute près. Il en est résulté que la diversité des langues, qui formait dans l'Antiquité un autre obstacle à la propagation des connaissances, n'en est plus un chez les modernes, les idiomes étrangers étant réciproquement entendus de tous les peuples. Ainsi, lorsqu'une révolution arrivait dans l'ancien monde, les livres rares, les monuments des arts disparaissaient, la barbarie submergeait une autre fois la terre, et les hommes qui survivaient à ce déluge étaient obligés, comme les premiers habitants du globe, de recommencer une nouvelle carrière, de repasser lentement par tous les degrés de leurs prédécesseurs. Le flambeau expiré des sciences ne trouvait plus de dépôt de lumière où reprendre la vie. Il fallait attendre que le génie de quelque grand homme vînt y communiquer le feu de nouveau, comme la lampe sacrée de Vesta, qu'on ne pouvait rallumer qu'à la flamme du soleil lorsqu'elle venait à s'éteindre. Il n'en est pas de même pour nous. Il serait impossible de calculer jusqu'à quelle hauteur la société peut atteindre à présent que rien ne se perd, que rien ne saurait se perdre. Ceci nous jette dans l'infini. Je semble donc détruire dans ce chapitre ce que j'ai avancé dans le précédent, car je montre une telle différence de siècle qu'on ne saurait conclure de l'un pour l'autre, sans doute, pour plusieurs lecteurs, que le système de perfection éblouit. Si c'était ici le lieu d'entrer dans cette discussion intéressante, je pourrais prouver aisément que notre position est réellement la même, quant au résultat, que celle des anciens peuples, que nous avons perdu en mœurs ce que nous avons gagné en lumière. Celles-ci semblent tellement disposées par la nature que les unes se corrompent toujours en proportion de l'agrandissement des autres, comme si cette balance était destinée à prévenir la perfection parmi les hommes. Or, il est certain que les lumières ne donnent pas la vertu, qu'un grand moraliste peut être un malhonnête homme. La question du bonheur reste donc la même pour les peuples modernes et pour les anciens, puisqu'elle ne peut se trouver que dans la pureté de l'âme. Nous revenons donc à la même donnée quant aux conséquences heureuses qu'on peut espérer de la révolution présente, quelles que soient d'ailleurs nos lumières, l'esprit n'agissant point sur le cœur. Et qui vous dira le secret de changer par des mots et des sciences la nature de l'âme, de déraciner les chagrins de ce sol défriché par eux? Si l'homme, en dépit de la philosophie, est condamné à vivre avec ses désirs, il sera à jamais esclave, à jamais l'homme des temps d'adversité qui furent l'homme de l'heure douloureuse où je vous parle et des nouveaux siècles de misère qui s'avancent. Lorsque l'être puissant, qui tient dans sa main le cœur des hommes, a voulu, dans les voies profondes de sa sagesse, resserrer cet organe de leur félicité, qu'importe que, pour les confondre, il ait élevé leur tête gigantesque au-dessus des sphères roulantes. Si le cœur ne peut se perfectionner, si la morale reste corrompue malgré les lumières, république universelle, fraternité des nations, paix générale, fantôme brillant d'un bonheur durable sur la terre. Adieu. Si l'influence immédiate de la révolution républicaine de la Grèce fut retardée par toutes les causes que nous venons d'assigner, il est à croire que la révolution française, dégagée de ces obstacles, aura un effet encore plus rapide en cas qu'il ne se trouve point d'autre force d'amortissement plus puissante que la vélocité de son action. Ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans cet examen, mais on peut douter que l'extinction de la royauté en France produise, pour le genre humain, des effets plus éloignés, plus grands, plus durables, que ceux qui résultèrent de l'abolition de la monarchie en Grèce. L'Attique, rendue à la liberté, se couvrit de tous les monuments des arts. Les Praxitèles, les Phidias, les Euxis, les Apelles, unirent les efforts de leur génie à ceux des Sophocles, des Euripides. Les Lumières, disséminées dans les différentes parties du monde, vinrent se concentrer dans ce foyer commun d'où les divers peuples les ont empruntés par la suite. Sans la Grèce, Rome demeurait barbare. L'éloquence d'un Démosthène contenait le germe de celle d'un Cicéron. Il fallait le sublime d'un Homère, la simplicité d'un Hésiode et les grâces d'un Théocrite pour former le triple génie d'un Virgile. Les loups de Phèdre n'eussent point parlé comme les hommes si ceux d'Ésope avaient été muets. Enfin, nous autres Celtes grossiers, sortis des forêts, nous ne compterions ni les Racines, ni les Boileaux, ni les Montesquieu, ni les Pope, ni les Dryden, ni les Sidney, ni les Bacon, et mille autres. Et nous serions encore, comme nos pères, soumis à des druides ou à des tyrans. Heureux si les Grecs, en acquérant des lumières, n'eussent pas perdu la pureté des mœurs. Heureux s'ils n'eussent échangé les vertus qui les sauvèrent de Xérès contre les vices qui les livrèrent à Philippe. Nous allons maintenant commencer cette seconde révolution, et nous terminerons ici la première partie du premier livre, après un dernier chapitre de réflexion. Nous passerons souvent ainsi, dans le cours de cet ouvrage, des lumières aux ténèbres, et du bonheur du genre humain à sa misère. Et pourquoi nous en plaindrions-nous ? Il est à croire que notre félicité a été calculée sur l'inconstance de nos désirs. La dose du bonheur nous a été mesurée parce que notre cœur est insatiable. La nature nous traite comme des enfants malades dont on refuse de satisfaire les appétits, mais dont on apaise les pleurs par des illusions et des espérances. Elle fait danser autour de nous une multitude de fantômes vers lesquels nous tendons les mains sans pouvoir les atteindre, et elle a poussé si loin l'art de la perspective qu'elle a peint des Élysées jusque dans le fond de la tombe. Chapitre 69. Récapitulation. Ainsi j'ai montré l'action immédiate de la révolution républicaine de l'Attique sur la Perse. Elle fit insurger les peuples soumis à cet empire par le ressort des opinions, l'enveloppa comme une guerre funeste qui coûta la vie à des millions d'hommes sans que les nations y gagnassent beaucoup de bonheur ou beaucoup de liberté. Il est vrai que la cour de Suse fut humiliée, mais la Grèce en fut-elle plus heureuse? Ses succès ne la corrompirent-ils pas? Et le résultat de ces actions, si glorieuses en apparence, ne fut-il pas des vices et des fers? Quant à l'effet éloigné produit sur l'empire de Cyrus par la chute de la royauté à Athènes, il n'est personne qui ignore la conquête de l'Asie et le nom d'Alexandre. Tâchons de récapituler en peu de mots les différentes influences que l'établissement du gouvernement populaire en Grèce eut sur les nations contemporaines. De la somme de ces données doivent naître les vérités qui forment le but de nos recherches dans cet essai. La révolution républicaine de la Grèce agit sur l'Égypte par la voie des armes, elle y causa quelques malheurs passagers, elle ne put avoir de prise sur les opinions, la subdivision des classes de la société et le système théocratique lui opposant des obstacles insurmontables. Sur Carthage, encore aux militaires, la position locale, l'excellence du gouvernement punique sauvèrent celui-ci du danger des innovations et de l'exemple. Dans l'Ibérie, la réaction des troubles de l'Attique ne causa que des malheurs. Vraisemblablement, l'esclave, au fond de ses mines, paya la liberté d'Athènes par des larmes et des sueurs. Chez les Celtes, elle apporta des lumières et partant de la corruption. Elle devint aussi la cause éloignée de la servitude de ses peuples en facilitant les conquêtes des Romains. En Italie, l'influence de l'établissement des républiques grecques se dirigea vers la politique. Il n'est pas même impossible qu'elle n'y eût produit la révolution de Brutus par la circonstance du voyage de ce grand homme à Delphes presque au moment de l'assassinat d'Hipparque par Armordius. Ceux qui savent comment les grandes conceptions naissent souvent des causes les plus triviales ne mépriseront pas cette conjecture. Dans la Grande Grèce, la révolution dont nous recherchons les effets agit au moral. Elle y occasionna quelques réformes utiles, mais passagères. En Sicile, elle produisit la guerre et la monarchie. L'une ne fut qu'un fléau d'un moment, l'autre coûta longtemps des pleurs et du sang à Syracuse. En Scythie, son influence agit philosophiquement dans le sens vicieux. Les pasteurs pauvres et vertueux de Lister se laissèrent corrompre par l'attrait des sciences et finirent par se livrer à celui de l'or. Dans la Thrace, elle ne causa que quelques ravages. Heureusement, la barbarie des peuples les mit à couvert des effets politiques et moraux de la révolution républicaine de la Grèce. Tyr, enfin, n'échappa pas aux armes de cette révolution, mais elle en évita la séduction par l'esprit commerçant et occupé de ses citoyens. Nous avons parlé de la Perse au commencement de ce chapitre. Le lecteur, sans doute, en parcourant cette échelle, a déjà trouvé avec étonnement la vérité qui résulte de ces parties. Cette révolution si vantée, cette révolution qui mérite de l'être, cette révolution toute vertu, toute vraie liberté, n'a donc produit, en exceptant Rome et la Grande Grèce, que des maux chez tous les autres peuples? Quoi? Lorsqu'une nation devient indépendante, n'est-ce qu'aux dépens du reste des hommes? La réaction du bien serait-elle le mal? L'histoire ne s'offre-t-elle pas ici sous une perspective nouvelle? Un rayon de lumière ne pénètre-t-il pas dans le système obscur des choses? Et n'entrevoit-on pas comment les nations sont respectivement ordonnées les unes aux autres? Si les Grecs du temps d'Aristide, en brisant leurs chaînes, n'ont apporté que des maux au genre humain, que peut-on raisonnablement espérer, système de perfection à part, de l'influence de la Révolution française? Croirons-nous que tout va devenir vertueux et libre parce qu'il a plu aux Français corrompus d'échanger un roi contre 5 maîtres? Ici, l'avenir s'entr'ouvre. Je laisse le lecteur à l'abîme de réflexions pénibles, de conjectures, de doutes où ceci conduit. Chapitre 70. Sujets et réflexions détachées. Après avoir parcouru un ouvrage, il nous reste ordinairement une multitude de pensées confuses et de réflexions incohérentes. Les unes immédiatement liées au sujet du livre, les autres s'étendent au-delà et seulement formées par association. Je vais présenter ici cet effet naturel d'une première lecture en rapportant mes idées détachées, telles que je les jetais sans ordre sur le papier après avoir revu moi-même l'esquisse de mon travail. Je n'y ajouterai que ces nuances nécessaires pour diviser des couleurs trop heurtées. Il n'y a point d'ailleurs de perception si brusque dont on ne se découvre la connexion intermédiaire avec une précédente en y réfléchissant un peu. Et c'est quelquefois une étude très instructive de rechercher les passages secrets par où on arrive tout à coup d'une idée à une autre totalement opposée. Lorsque pour la première fois je conçus le plan de ce livre, je revis les classiques qui m'introduisaient aux révolutions de la Grèce. À chaque page, une mer de réflexions, de rapports nouveaux s'ouvrait devant moi. Étant parvenu à crayonner l'ébauche de la révolution décrite dans ce premier livre de l'essai, je commençais à voir les objets un peu moins troubles, surtout lorsque j'eus examiné le côté de l'influence de cette révolution. Partie toute nouvelle dans l'histoire et à laquelle je ne sache pas que personne n'ait encore songé. Élaguant une multitude de pensées secondes, je jetais sur le papier les notes suivantes qui forment une espèce de résultat des vérités générales qu'on peut tirer de la révolution républicaine de la Grèce. Est-il une liberté civile? J'en doute. Les Grecs furent-ils plus heureux, furent-ils meilleurs après leur révolution? Non. Leurs mots changèrent de valeur nominale, la valeur intrinsèque resta la même. Malgré 1000 efforts pour pénétrer dans les causes des troubles des États, on sent quelque chose qui échappe, un je ne sais quoi, caché je ne sais où, et ce je ne sais quoi paraît être la raison efficiente de toutes les révolutions. Cette raison secrète est d'autant plus inquiétante qu'on ne peut l'apercevoir dans l'homme de la société. Mais l'homme de la société n'a-t-il pas commencé par être l'homme de la nature? C'est donc celui-ci qu'il faut interroger. Ce principe inconnu ne naît-il point de cette vague inquiétude particulière à notre cœur, qui nous fait nous dégoûter également du bonheur et du malheur, et nous précipitera de révolution en révolution jusqu'au dernier siècle? et cette inquiétude, d'où vient-elle à son tour? Je n'en sais rien. Peut-être de la conscience d'une autre vie, peut-être d'une aspiration secrète vers la divinité. Quelle que soit son origine, elle existe chez tous les peuples. On la rencontre chez le sauvage et dans nos sociétés. Elle s'augmente surtout par les mauvaises mœurs et bouleverse les empires. J'en trouve une preuve bien frappante dans les causes de notre révolution. Ces causes ont différé totalement de celles des troubles politiques de la Grèce au siècle de Solon. On ne voit pas que les Athéniens fussent très malheureux ou très corrompus alors. Mais nous, qu'étions-nous au moral dans l'année 1789? Pouvions-nous espérer échapper à une destruction épouvantable? Je ne parlerai point du gouvernement. Je remarque seulement que partout où un petit nombre d'hommes réunit pendant de longues années le pouvoir et les richesses, quelle que soit d'ailleurs la naissance de ces gouvernements, plébéienne ou patricienne, le manteau dont ils se couvrent, républicain ou monarchique, ils doivent nécessairement se corrompre, dans la même progression qu'ils s'éloignent du premier terme de leur institution. Chaque homme alors a ses vices, plus les vices de ceux qui l'ont précédé. La cour de France avait 1300 ans d'antiquité. Un monarque faible et amateur de son peuple était aisément trompé par des ministres incapables ou méchants. L'intrigue faisait et défaisait chaque jour des hommes d'État, et ces ministres éphémères, qui apportaient dans le gouvernement leur ineptie et leur cœur, y apportaient encore la haine de ceux qui les avaient précédés. De là ce changement continuel de système, de projet, de vue. Ces nains politiques étaient suivis d'une nuée famélique de commis, de laquais, de flatteurs, de comédiens, de maîtresses. Tous ces êtres, d'un moment, se hâtaient de sucer le sang du misérable et s'abîmaient bientôt devant une autre génération d'insectes, aussi fugitives et dévorantes que la première. Tandis que les folies et les imbécilités du gouvernement exaspéraient l'esprit du peuple, les désordres de l'ordre moral étaient montés à leur comble et commençaient à attaquer l'ordre social d'une manière effrayante. Les célibataires avaient augmenté dans une proportion démesurée et étaient devenus communs, même parmi les dernières classes. Ces hommes isolés et par conséquent égoïstes cherchaient à remplir le vide de leur vie en troublant les familles des autres. Malheur à un État où les citoyens cherchent leur félicité hors de la morale et des plus doux sentiments de la nature. Si d'un côté les célibataires se multipliaient, de l'autre les gens mariés avaient adopté des idées pour le moins aussi destructives de la société. Le principe du petit nombre d'enfants était presque généralement reçu dans les villes en France, chez quelques-uns par misère, chez le plus grand nombre par mauvaise mœurs. Un père et une mère ne voulaient pas sacrifier les aisances de la vie à l'éducation d'une nombreuse famille, et l'on couvrait cet amour de soi des apparences de la philosophie. Pourquoi créer des êtres malheureux? Disaient les uns. Pourquoi faire des gueux? S'écriaient les autres. Je jette un voile sur d'autres motifs secrets de cette dépravation. Je ne dirai rien des femmes, meilleures que nous, elles n'ont que la faiblesse d'être ce que nous voulons qu'elles soient. La faute est à nous. Si ces mœurs affectaient la société en général, elles influaient encore davantage sur chacun de ses membres en particulier. L'homme, qui ne trouvait plus son bonheur dans l'union d'une famille, qui souvent se définit même du doux nom de père, s'accoutumait à se former une félicité indépendante des autres. Rejeté du sein de la nature par les mœurs de son siècle, il se renfermait dans un dur égoïsme qui flétrit jusqu'à la racine de la vertu. Pour comble de maux, en perdant le bonheur sur la terre, des bourreaux philosophes lui avaient enlevé l'espérance d'une meilleure vie. Dans cette situation, se trouvant seul au milieu de l'univers, n'ayant à dévorer qu'un cœur vide et solitaire qui n'avait jamais senti un autre cœur battre contre lui, faut-il s'étonner que le Français fût prêt à embrasser le premier fantôme qui lui montrait un univers nouveau? On s'écriera qu'il est absurde de représenter le peuple de la France comme isolé et malheureux, qu'il était nombreux, florissant, etc. La population qui semble détruire mon assertion est une preuve pour elle, car elle n'était réelle que dans les campagnes, parce qu'il y existait encore des mœurs. Or, on sait assez que ce ne sont pas les paysans qui ont fait la révolution. Quant à la seconde objection, il n'est pas question de ce que la nation semblait être, mais de ce qu'elle était réellement. Ceux qui ne voient dans un État que des voitures, des grandes villes, des troupes, de l'éclat et du bruit, ont raison de penser que la France était heureuse. Mais ceux qui croient que la grande question du bonheur est le plus près possible de la nature, que plus on s'en écarte, plus on tombe dans l'infortune, qu'alors on a beau avoir le sourire sur les lèvres devant les hommes, le cœur, en dépit des plaisirs factices, est agité, triste, consumé dans le secret de la vie. Dans ce cas, on ne peut disconvenir que ce mécontentement général de soi-même qui augmente l'inquiétude secrète dont j'ai parlé, que ce sentiment de malaise que chaque individu porte avec soi ne soit, dans un peuple, l'état le plus propre à une révolution. Eh bien, c'était au moment que le corps politique, tout maculé des taches de la corruption, tombait en une dissolution générale, qu'une race d'hommes, se levant tout à coup, se met dans son vertige à sonner l'heure de Sparte et d'Athènes. Au même moment, un cri de liberté se fait entendre. Le vieux Jupiter, réveillé d'un sommeil de 1500 ans dans la poussière d'Olympie, s'étonne de se trouver à Sainte-Geneviève. On coiffe la tête du badaud de Paris du bonnet du citoyen de la Laconie. Et tout corrompu, tout vicieux qu'il est, poussant de force le petit Français dans les grandes vertus lacédémoniennes, on le contraint à jouer le pantalon aux yeux de l'Europe dans cette mascarade d'arlequin. Ô grand politique, qui, prenant la raison inverse des Lycurgues, prétendez établir la démocratie chez un peuple à l'époque même où toutes les nations retournent par la nature des choses à la monarchie, je veux dire à l'époque de la corruption. Ô fameux philosophe, qui croyait que la liberté existe au civil, qui préférait le nombre 5 à l'unité, et qui pensait qu'on est plus heureux sous la canaille du faubourg Saint-Antoine que sous celle des bureaux de Versailles, mais que fallait-il donc faire? Je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est que, puisque vous aviez la fureur de détruire, il fallait au moins rebâtir un édifice propre à loger des Français, et surtout vous garder de l'enthousiasme des institutions étrangères. Le danger de l'imitation est terrible. Ce qui est bon pour un peuple est rarement bon pour un autre. Et moi aussi, je voudrais passer mes jours sous une démocratie telle que je l'ai souvent rêvée, comme le plus sublime des gouvernements en théorie. Et moi aussi, j'ai vécu citoyen de l'Italie et de la Grèce. Peut-être mes opinions actuelles ne sont-elles que le triomphe de ma raison sur mon penchant. Mais prétendre former des républiques partout, et en dépit de tous les obstacles, c'est une absurdité dans la bouche de plusieurs, une méchanceté dans celle de quelques-uns. J'ai réfléchi longtemps sur ce sujet. Je ne hais point une constitution plus qu'une autre. Considérée abstraitement, prises en ce qui me regarde comme individu, elles me sont toutes parfaitement indifférentes. Mes mœurs sont de la solitude et non des hommes. Et, malheureux, nous nous tourmentons pour un gouvernement parfait et nous sommes vicieux. Bon, et nous sommes méchants. Nous nous agitons aujourd'hui pour un vain système, et nous ne serons plus demain. Des 60 années que le ciel peut-être nous destine à traîner sur ce globe, nous en dépenserons 20 à naître et 20 à mourir, et la moitié des 20 autres s'évanouira dans le sommeil. Craignons-nous que les misères inhérentes à notre nature d'homme ne remplissent pas ce court espace sans y ajouter des maux d'opinion? Est-ce un instinct indéterminé, un vide intérieur, que nous ne saurions remplir, qui nous tourmente? Je l'ai aussi senti, cette soif vague de quelque chose. Elle m'a traîné dans les solitudes muettes de l'Amérique et dans les villes brillantes de l'Europe. Je me suis enfoncé pour la satisfaire dans l'épaisseur des forêts du Canada et dans la foule qui inonde nos jardins et nos temples. Que de fois elle m'a contraint de sortir des spectacles de nos cités pour aller voir le soleil se coucher au loin sur quelques sites sauvages. Que de fois, échappé à la société des hommes, je me suis tenu immobile sur une grève solitaire, à contempler durant des heures, avec cette même inquiétude, le tableau philosophique de la mer. Elle m'a fait suivre, autour de leur palais, dans leur chasse pompeuse, ces rois qui laissent après eux une longue renommée. Et j'ai aimé, avec elle encore, à m'asseoir en silence à la porte de la hutte hospitalière, près du sauvage, qui passe inconnu dans la vie, comme les fleuves sans nom de ces déserts. Homme, si c'est ta destinée de porter partout un cœur miné d'un désir inconnu, si c'est là ta maladie, une ressource te reste. Que les sciences, ces filles du ciel, viennent remplir le vide fatal qui te conduira tôt ou tard à ta perte. Le calme des nuits t'appelle. Vois ces millions d'astres étincelants, suspendu de toutes parts sur ta tête. Cherche, sur les pas de Newton, les lois sacrées qui promènent magnifiquement ces globes de feu à travers l'azur céleste. Ou, si la divinité touche ton âme, médite en l'adorant sur cet être incompréhensible qui remplit de son immensité ces espaces sans bornes. Ces études sont-elles trop sublimes pour ton génie, ou serais-tu assez misérable pour ne point espérer dans ce Père des affligés qui consolera ceux qui pleurent? Il est d'autres occupations aussi aimables et moins profondes. Au lieu de t'entretenir de haine sociale, observe les paisibles générations, les douces sympathies et les amours du règne le plus charmant de la nature. Alors, tu ne connaîtras que des plaisirs. Tu auras du moins cet avantage que chaque matin, tu retrouveras tes plantes chéries. Dans le monde, que d'amis ont pressé le soir un ami sur leur cœur et ne l'ont plus trouvé à leur réveil. Nous sommes ici-bas comme au spectacle. Si nous détournons un moment la tête, le coup de sifflet part, les palais enchantés s'évanouissent, et lorsque nous ramenons les yeux sur la scène, nous n'apercevons plus que des déserts et des acteurs inconnus. Mais quelles que puissent être nos occupations, soit que nous vieillissions dans l'atelier du manœuvre ou dans le cabinet du philosophe, rappelons-nous que c'est en vain que nous prétendons être politiquement libres. Indépendance, indépendance individuelle, voilà le cri intérieur qui nous poursuit. Écoutons la voix de la conscience. Que nous dit-elle selon la nature? Sois libre. Selon la société, règne. Que si on le nie, on ment. Ne rougissons point, parce que j'arrache d'une main hardie le voile dont nous cherchons à nous couvrir à nos propres yeux. La liberté civile n'est qu'un songe, un sentiment factice que nous n'avons point, qui n'habite point dans notre sein. Apprenons à nous élever à la hauteur de la vérité et à mépriser les sentences de l'étroite sagesse des hommes. On nous insultera peut-être parce qu'on ne nous entendra pas. Les gens de bien nous accuseront de principes dangereux parce que nous aurons été les chercher jusqu'au fond de leur âme où ils se croyaient en sûreté et que nous saurons exposer à la vue toute la petite machine de leur cœur. Rions des clameurs de la foule, contents de savoir que, tandis que nous ne retournerons pas à la vie du sauvage, nous dépendrons toujours d'un homme. Et qu'importe alors que nous soyons dévorés par une cour, par un directoire, par une assemblée du peuple? Nous nous apercevrons continuellement que nous nous trompons, que l'heure qui succède accuse presque toujours l'heure passée d'erreur. Et nous irions déchirer, et nous-mêmes, et nos semblables, pour l'opinion fugitive du matin, avec laquelle le soir ne nous retrouvera plus. Tout gouvernement est un mal, tout gouvernement est un joug. Mais n'allons pas en conclure qu'il faille le briser. Puisque c'est notre sort que d'être esclaves, supportons notre chaîne sans nous plaindre. Sachons en composer les anneaux de roi ou de tribun selon les temps et surtout selon nos mœurs. Et soyons sûrs, quoi qu'on en publie, qu'il vaut mieux obéir à un de nos compatriotes riches et éclairés qu'à une multitude ignorante qui nous accablera de tous les maux. Et vous, ô mes concitoyens, vous qui gouvernez cette patrie, toujours si chère à mon cœur, réfléchissez. Voyez s'il est dans toute l'Europe une nation digne de la démocratie. Rendez le bonheur à la France en la rendant à la monarchie, où la force des choses vous entraîne. Mais si vous persistez dans vos chimères, ne vous abusez pas. Vous ne réussirez jamais par le modérantisme. Allons, exécrables bourreaux, en horreur à vos compatriotes, en horreur à toute la terre, reprenez le système des Jacobins. Tirez de l'horloge vos guillotines sanglantes et faisant rouler les têtes autour de vous, essayez d'établir dans la France déserte votre affreuse république, comme la patience de Shakespeare assise sur un monument et souriant à la douleur. Fin de la section 8.